Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classic Oldies. Nous allons parler aujourd'hui du groupe King Crimson, qui a connu divers changements, que ce soit musicalement ou concernant les membres. Fin 68, King Crimson est créé, et en participant à des premières parties de concert, retient l'attention. Leur premier album, aujourd'hui le plus connu, s'intitule In the Court of the Crimson King. Il va bousculer le monde du rock. Teinté de psyché, de jazz et de classique, ce premier album sera rapidement associé à l'œuvre fondatrice du rock progressif. Chaque morceau dépasse les 6 minutes, les textes sont truffés d'images et de métaphores, allusion à la guerre du Vietnam ou encore au mouvement hippie. On retrouve donc comme formation initiale Robert Fripp, guitariste qui restera le seul membre permanent de King Crimson, Ian MacDonald au clavier, Greg Lake, que l'on connaît aussi avec la formation Emerson, Lake & Palmer, qui assure la basse et le chant, ainsi que Michael Gillis à la batterie. Des années 70 à nos jours, de nombreux musiciens, qu'ils aient travaillé avec Genesis, Yes, Family ou encore les Talking Heads, vont intégrer et quitter le groupe. Si au début des années 70, King Crimson conserve principalement sa musique progressive, parfois classique, par des instruments comme le mélotron ou la flûte, dans les années 80, New Wave oblige, on va avoir un son toujours progressif, mais la voix est différente et la basse sonne plus funky. On citera par exemple le morceau Elephant Talk, issu de l'album Discipline, qui montre une écriture plus humoristique, une composition plus absurde et aussi l'idée de reproduire des cris d'éléphant avec la guitare. Il n'avait pas fini de nous surprendre. Après celle de 1974 à 81, le groupe marque une seconde pause de 85 à 95. À la fin des années 90, quelques albums live et compilations paraissent, ainsi qu'un nouvel EP et un album studio qui marque le retour de Bill Bruford à la batterie. Il avait contribué aux albums des années 70. Aujourd'hui, King Crimson continue ses tournées avec l'infatigable Robert Fripp. On les retrouvait il y a encore quelques mois sur scène à Paris. Leur dernier album date de 2003 et se nomme The Power to Believe. Alors que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, King Crimson est un pionnier d'un genre innovant, le rock progressif, et a su conserver cette musique à travers les années, tout en s'adaptant aux mouvances des décennies. Respecté par les critiques et source d'influence pour de nombreux artistes, King Crimson n'est pas un simple groupe. Reprenons les mots de Robert Fripp qui disait « King Crimson, c'est avant tout une façon de faire les choses ». Alors voyons cela donc comme un tremplin permettant à divers artistes d'exprimer leur talent, leur virtuosité. Alors je vais revenir à leur premier album pour mon morceau coup de cœur, avec plus particulièrement la chanson « Epitaph », un arpège de guitare mélancolique et une voix poignante de Greg Lake. Un passage particulièrement magnifique est marqué par le mélotron qui introduit quelques secondes d'arpège de la guitare seul. Il s'agit de « Epitaph ». Ce n'est pas mon second coup de cœur qui va remonter le moral, puisqu'il s'agit du titre Starless, issu de l'album Red, un des meilleurs albums du groupe. Une fois de plus, ce mélotron contribue beaucoup à la beauté de ces 12 minutes, accompagné de John Wetton au chant, tout aussi convaincant que son prédécesseur. Tandis que la première partie de la chanson séduit par une mélodie à la guitare presque dépressive, la seconde partie est un peu plus expérimentale. À l'image d'un compte à rebours, la musique va progresser petit à petit jusqu'à exploser avec l'arrivée du saxo qui va se déchaîner. Il s'agit de Starless. We'll be right back. Et je vais conclure avec la chanson titre In the Court of the Crimson King, l'apothéose de l'album. Les chœurs sont prenants et ont probablement inspiré les Moody Blues et leur chanson Melancholy Man. Ah, ces sonorités des années 60 particulièrement identifiables, il paraît qu'on dansait des slows sur ce genre de musique. Quelle époque! On ne pouvait pas faire mieux comme morceau d'adieu d'un album déjà culte, bien qu'un peu brouillon pour certains. C'est The Court of the Crimson King. In the court of the crimson Je vous laisse écouter ce morceau datant de 1973 et présent dans l'album Larks, Tongues in Aspic. Il s'agit de Books of Saturday. Je vous souhaite une très bonne écoute sur RGR. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me. Upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight cavalry of despair takes a stand in.